1 Corinthiens chapitre 6. Ce qu'on va voir ensemble ce matin ne fait pas partie de notre quotidien, généralement. Ce n'est pas l'attitude de l'être humain d'agir ainsi. Je ne sais pas si ça vous arrive comme moi, ça m'arrive, de dire au Seigneur dans une prière, « Seigneur, ce que tu me demandes là n'est pas humain. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. » Mais en même temps, il y a une partie de nous qui dit « Je veux faire ce que tu nous demandes. » Donc, j'ai besoin de toi pour le faire. Parce que ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous, ce n'est pas ce que nous avons appris en tant qu'enfants, ce n'est pas ce qu'on a vu, que les gens agissaient comme cela. Nos parents, nos amis, notre société n'agit pas comme cela, donc c'est difficile pour nous d'agir parce que ça va contre notre nature pécheresse. Jésus avait parlé de ce même principe. Dans Matthieu 5, versets 38 à 45, est-ce que quelqu'un veut le lire? Bien fort. Ceux qui étaient là et qui ont entendu cela, ils vont dire, « Wow, c'est pas évident ce qu'ils nous demandent là un matin. » Il dit, « Vous avez appris. » Quoi? « Œil pour œil, dent pour dent. » Ça, c'est nous autres. Ça, nous autres, on est incapables de faire ça. C'est notre tendance naturelle. Puis même, habituellement, c'est « Œil pour œil, dent pour deux dents. » si on peut le faire, là, si on est capable, c'est deux dents. Hein? Tu m'as donné une claque, je vais te donner un coup de poing. Un petit peu plus fort. C'est notre tendance. Hein, quand on voit ça, là, tu m'as abusé, là, je te réclame 2 millions à cette heure. 20 ans plus tard, tu vas payer pour plus qu'un peu, plus. Tu veux toujours un peu plus. Tu ne demandes pas le pardon, tu ne demandes pas qu'il confesse, tu demandes 2 millions. Parce que c'est dans ta nature, tu vas payer pour ce que tu as fait. Hein? Je vais me. Jusqu'à un certain point, en québécois, on dirait je veux me venger. Il dit vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ici, c'est bizarre que le prochain, ce n'est pas l'ennemi. Le prochain, c'est juste ceux qui te font du bien. Hein? Jésus avait donné l'exemple avec le bon samaritain. Et les Juifs ne comprenaient pas que Jésus leur demande de faire du bien à leur ennemi. C'était contre nature. Ce n'est pas pour vous, mais pour moi, c'est la réalité de ma vie. C'est donc difficile. Ça prend l'aide divine pour arriver à faire ça. Et ce que Jésus voulait pousser dans le cœur de ces hommes-là ici, ces femmes-là, ces enfants-là qui écoutaient. Quand on est dans Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne. Jésus ne s'adresse pas à l'Église ici. Là. Il ne s'adresse pas à l'Église ici. Il s'adresse à une foule qui l'écoute. Il voulait susciter en eux ce sentiment de besoin, de dire « Je ne suis pas capable. » Jésus voulait qu'ils disent, voulait qu'ils proclament « Je ne suis pas capable de le faire. » Et Jésus sera empressé de dire « Je peux vous aider. Je peux vous aider. » Mais la réaction humaine, c'est quoi? Pas comme ça, moi. Je ne fais pas de mal à personne. Je suis correct. Je ne suis pas un si grand pécheur que ça. Je ne suis pas si mauvais que ça. Au lieu d'avouer l'état dans lequel on est, comme le Seigneur lui-même dit, on a tendance à vouloir diminuer plutôt que d'avouer. Et ceux qui n'ont pas avoué, ben, n'ont jamais été sauvés. Ceux qui ont avoué leur état, je suis un pécheur, je suis perdu, je ne suis pas capable de rien faire sans toi, je mérite l'enfer, ils ont été aidés par le Seigneur. Mais c'est pas à cause qu'on devient chrétien que toutes ces choses-là tombent à leur place tout de suite. Mais quand on devient chrétien, on est capable d'avouer que c'est comme ça. On est capable de dire, c'est vrai, Seigneur, c'est comme ça que je suis. C'est vrai que j'ai de la misère, Seigneur, à aimer mon ennemi. C'est vrai que j'ai de la misère à faire du bien à ceux qui me font du mal. C'est vrai que j'ai de la misère à prier pour ceux qui me persécutent. C'est vrai que j'ai de la misère à prier pour ceux qui me font du mal, même dans l'Église. J'ai de la misère, Seigneur. Mais je veux ton aide là-dedans. Et ce qu'on va voir ce matin dans 1 Corinthiens 6, c'est que les Corinthiens se traînaient en cour mutuellement. Là, on appelle ça en cour municipale. Hein? On se traînait en cour entre chrétiens. Et il y avait des problèmes qui étaient là, et Paul nie pas qui a des problèmes, il nie pas qu'il ne peut pas avoir des problèmes, ou dit pas qu'il ne peut pas en avoir, mais il leur dit qu'ils font face d'une façon inadéquate à leurs problèmes. Les chrétiens, on n'est pas des gens qui n'ont pas de problème. Je vous dis ça souvent, laissez jamais à croire aux inconvertis qu'il n'y a pas de problème dans l'Église. C'est pas vrai. Parce que s'ils viennent, ils vont s'apercevoir bien vite qu'il y en a. Mais que notre façon de régler nos problèmes est différente. Notre façon de faire face aux difficultés devrait être différente. Sur l'enseignement du Seigneur. Ici, Paul, il dit, vous avez des problèmes entre vous, et c'est inévitable. C'est inévitable qu'il y ait des problèmes entre les croyants. Parce que les croyants sont encore des pécheurs. Et étant pécheurs, on va se faire du mal les uns les autres. Et il nous dit de faire quelque chose avec cela. De pas réagir de la même manière. Je ne sais pas comment le père a réagi avec le garçon qui couchait avec sa femme qu'on a vu dans 1 Corinthiens 5. Je ne sais pas comment il a réagi. La Bible ne nous le dit pas. Comment toi, est-ce que tu réagirais? Comment tu ferais, toi? Ce ne serait peut-être pas facile à réagir. Hein? Notre tendance, ce serait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal aussi. Ça, c'est notre tendance humaine. Mais Dieu dit, fais pas ça comme ça. Agis pas comme ça. Et la vérité qu'on va voir ce matin, c'est que les chrétiens ne doivent pas aller en cour les uns contre les autres devant les injustes. Les injustes, dans le texte, c'est les non-croyants. Paul, il dit ici formellement, clairement, qu'on ne devrait jamais aller en cour les uns contre les autres devant les inconvertis. C'est pas pouvoir plus clair que ça dans les Écritures. On va voir ensemble qu'il ne nous dit pas qu'on ne doit pas aller en cour, mais pas devant les inconvertis. Et puis, il va nous donner les raisons, bien entendu, pourquoi on devrait faire ça. Parce qu'il nous dit juste, dis pas ça comme ça, puis il nous laisse là. Il va nous donner les raisons pourquoi on ne devrait pas aller en cours les uns contre les autres, mais devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par nous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre des jugements? Donc, la première raison qu'il nous donne ici, il dit, la première raison, c'est que nous allons, quoi? Juger le monde. Il dit, si vous allez juger le monde, pourquoi est-ce que vous ne seriez pas capable de juger entre vous de ce qui se passe dans l'Église? Vous avez des problèmes dans l'Église, mais vous devriez faire face aux problèmes dans l'Église et juger qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Analyser qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Aller devant les saints pour régler votre problème. Et non pas devant les injustes. C'est les croyants qui devraient vous aider à régler votre problème. Et non pas... C'est pas que Jésus l'a dit d'une autre façon, dans Matthieu 18. Et si ton frère a péché contre toi, vas-y tout seul, essaie de régler ça entre lui et toi. S'il veut pas, prends deux ou trois autres chrétiens et essaie de régler ça entre vous autres. Et s'il veut pas encore, amenez ça devant toute l'Église et réglez votre problème entre vous. Allez pas demander aux inconvertis de régler votre problème. Faites-le entre vous. Parce qu'il dit, la première raison, parce qu'il dit, vous allez juger le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va juger le monde. Qu'est-ce que ça fait, un juge? Ça déclare coupable ou non coupable. Hein? Ça déclare coupable ou non coupable. Il y a différentes façons d'interpréter ce texte-là et l'autre qui va venir après. Vous allez juger les anges. Et je vais vous en donner une, puis si vous en avez un autre, c'est correct. C'est correct d'en avoir des différentes façons de voir les choses. Mais l'important, c'est de dire, tu ne devrais pas aller à l'extérieur, tu devrais juger entre vous, parce que vous allez juger le monde. Et je crois que, je vais vous lire un passage dans Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ici, il s'adresse aux 12 apôtres. Je crois que le principe s'élargit à l'Église. Je ne crois pas que les apôtres vont juger les tribus d'Israël, puis nous autres, on va juger les païens. Je crois que c'est une façon d'exprimer ici que le peuple de Dieu, c'était quoi? C'était Israël à ce moment-là. Quand Jésus a parlé, c'était Israël, le peuple de Dieu. Il dit, vous autres qui m'avez suivi, vous allez juger ces 12 tribus-là. Et nous autres qui avons suivi le Seigneur, nous allons aussi juger les gens. Vous vous souvenez quand il a parlé une fois, il parlait au peuple d'Israël, il dit, un jour la reine de Séba va se lever, puis elle va condamner ces gens-là, parce que vous autres, vous avez tous vu ces miracles-là que j'ai faits et vous n'êtes pas repentis. Et elle a traversé la moitié du globe, j'exagère peut-être, là, la moitié du globe, pour venir voir la sagesse de Salomon. Puis elle a rendu gloire à Dieu. Elle va vous condamner. Elle va vous condamner. Puis là, il donne un paquet d'exemples comme ça, qu'il y a des gens qui vont condamner ceux qui ont reçu la vérité et qui ne se sont pas repentis. Je crois que c'est dans ce sens-là, ici, qu'il faut le prendre. Un jour, nous allons condamner les gens qui n'ont pas voulu croire. Et je crois que si on lit le livre de l'Apocalypse, nous voyons que l'Église participe au jugement de ce monde. Fait partie. Vous vous souvenez, ceux qui sont sous l'autel puis qui disent, « Seigneur, comment tu vas attendre pour juger et condamner et faire mourir ces gens-là qui nous ont persécutés, qui nous ont fait mourir, nous, les saints, les martyrs? » Les gens se lèvent dans l'Apocalypse. Le ciel se lève, les anges se lèvent, tous les saints se lèvent, puis condamnent le monde et donnent raison à Dieu de condamner le monde et de le détruire. Parce que ils ont méprisé Dieu, ont rejeté Dieu. Ils n'ont pas voulu se repentir à l'appel de Dieu. Et si vous êtes capable, si vous faites partie des juges qui vont condamner le monde, ça devrait être vous qui vous jugez les uns les autres et non pas les gens qui ne connaissent pas les vérités des Écritures. Au verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Cela est encore dans la même direction, mais est encore un petit peu plus difficile. Juger les anges, les bons anges ou les mauvais anges? probablement c'est les mauvais anges, qu'on peut pas, on peut pas vraiment penser qu'on va juger les bons anges. Il n'y a pas de jugement à rendre. Je crois que ces deux vérités-là, il faut les voir comme étant que nous, on est avec Jésus-Christ, on fait un avec lui. Jésus a démontré qu'il avait jugé et condamné les mauvais anges. Pendant tout son ministère, c'est une des raisons pour lesquelles je crois que Jésus a chassé les démons. Vous arrêterez un moment donné pour penser qu'avant la venue de Jésus dans la Bible, on ne voit jamais de possession démoniaque. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas ça. On n'en voit pas. De temps en temps, on voit qu'il y avait un mauvais esprit qui influençait, mais de possession démoniaque, on ne voit pas ça dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus arrive, mon ami, on dirait que la moitié du peuple est possédé. Et Jésus dit quoi aux Juifs? Pour pouvoir voler ou entrer dans la maison de quelqu'un, on doit être plus fort que la personne qui est à l'intérieur. Il dit, on rentre dans la maison et on va lier celui qui est dans la maison et ensuite on va dérober la maison. Il dit, moi je suis plus fort que le prince des démons qui était Béelzébul à ce moment-là. Il dit, si je suis capable de chasser les démons, des fois un à fois, des fois deux à fois, des fois des milliers à fois, il dit, parce que je suis plus fort que le maître de la maison qui était Béelzébul. Donc Jésus a démontré sa suprématie sur les démons. Et ensuite, il a donné à l'Église le pouvoir de le faire. Il y a des gens dans l'Église qui avaient le pouvoir de chasser les démons au début de la première génération. Et l'Église a démontré son autorité sur les mauvais anges. Sur les démons, il pouvait dire à un démon, sors et va-t'en. Et le démon s'en allait. Et vous vous souvenez de ce passage dans Romains? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc nous, on va être de ceux qui vont écraser la tête du serpent avec lui. Donc on va condamner les anges à la perdition éternelle. On va juger les anges avec Jésus-Christ et on va les condamner. Et si vous êtes capable, et si vous êtes digne de juger les anges, à bien plus forte raison de juger vos conflits entre vous. Vous ne devriez pas aller à l'extérieur et demander à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas les principes bibliques de vous juger. En tout cas, les inconvertis disent, eux autres, il n'y en a pas de justice. Vous avez déjà entendu ça? Avez-vous déjà dit ça? Il n'y en a pas de justice dans ce monde. Mais s'il n'y a pas de justice dans ce monde, pourquoi on irait lui demander à eux de rendre justice pour nous? Entre nous. Je crois que s'il n'y a pas de justice dans ce monde, on ne devrait pas leur demander. Et on est tous conscients de la faiblesse de nos systèmes de justice. C'est mieux que rien. Je suis bien content qu'il y en ait, je suis content qu'ils fassent leur travail, mais c'est très imparfait. C'est très imparfait. Donc Jésus, l'apôtre Paul, il dit, n'allez pas vers les inconvertis, parce que vous avez le pouvoir de juger le monde, vous avez le pouvoir de juger les gens, donc ça vous donne une autorité qui est bien plus grande que le leur, et ça vous devrait être capable de juger entre vous. Et au verset 4 et 5, maintenant, on va donner une autre raison. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Donc, il dit, je le dis à votre honte. Il est en train de leur dire, là, vous n'avez pas un sage dans votre milieu. Tous les gens qui sont dans votre milieu n'ont pas de sagesse. Il dit, vous devriez avoir honte, c'est ça. Vous devriez avoir des gens dans votre milieu qui sont assez sages pour rendre un jugement entre vous, dans vos différends. Les hommes sages ici, la Bible, le texte ne dit pas c'est qui. C'est qui les sages dans l'Église? C'est qui les sages parmi nous? va vous laisser le soin de le trouver. C'est qu'il est sage. Si on décrit la sagesse de Dieu, c'est quoi? Non, on ne parlera pas de qui sont la sagesse, mais on va parler de la sagesse. Qui est sage? La sagesse, c'est quoi? Oui, je crois que la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc, il y a une certaine sagesse juste d'avoir reconnu notre état. D'avoir reconnu notre état. Je crois que le sage, c'est celui qui connaît les Écritures, celui qui connaît la parole de Dieu. Celui qui va pouvoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Celui qui va pouvoir dire, qui s'assied avec deux personnes et dire, ce que tu dis là, ça va contre les Écritures. Ce que tu as fait là, c'est mal. Ce que tu as fait là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Et de dire, voici ce que Dieu voudrait que tu fasses maintenant. Parce que l'inconverti, un coup qui va t'avoir jugé, et il peut trouver ce que tu as fait de mal. Mais ce qu'il va te donner comme solution pour en sortir, ce ne sera pas la parole de Dieu. Il va t'envoyer où? En prison, à part du temps. Tu vas écouter cette semaine, quelqu'un m'a volé 2-3 millions, là, puis on lui a donné des travaux communautaires à faire. Moi, j'ai dit à moi-même, 2 millions pour 18 mois, c'est pas si mal, ça, tu sors de là, puis tu es encore à toi. Fais pas ça, moi, dans 18 mois. Tu veux dire, la façon qu'ils vont régler le problème, puis ils n'emmèneront pas les gens à reconnaître leur tort, à confesser, à demander pardon aux gens qui ont fait du mal, et la façon qu'ils vont régler entre eux, ce n'est pas biblique. Mais dites-vous, en plus, de trouver qui a fait le mal entre les deux frères, ou entre les deux sœurs, ou le frère ou la sœur, ils allaient pouvoir les aider à en sortir de façon biblique, à régler le conflit de façon biblique. Ce qui est un avantage pour chacun des autres. Vous savez comme moi, que dans l'Ancien Testament, la prison n'existait pas. Dieu n'a jamais inventé les prisons. Il y avait des villes de refuge jusqu'à temps qu'il était pour nous faire juger. Ce n'est pas des prisons comme telles aujourd'hui. Les gens pouvaient vivre là, puis quand le sacrificateur n'était pas mort, il pouvait rester là. Mais quand le sacrificateur était mort, il pouvait ressortir de là. Mais c'est une place pour protéger l'innocent, la ville de refuge. Ce n'était pas pour protéger le coupable, mais l'innocent. Si tu avais tué quelqu'un par accident, tu allais te réfugier là. Mais il n'y avait pas de prison comme on les connaît aujourd'hui. Parce que les prisons, vous savez, quand les gens sortent de là. Non, dans l'Ancien Testament. Okay. Dans le Nouveau Testament, quand les Romains sont arrivés, il y avait des prisons. Mais autant des Juifs, Dieu, les peuples d'Israël n'avaient pas de prison. Chez les Égyptiens. Les Juifs, eux, ce que Dieu avait dit, lui, l'enseignement que lui avait donné, pas de prison. Tu payais, tu avais volé 5 piastres, tu en remettais 20. T'avais volé un bœuf, t'en rendais 4. Et on te donnait la punition tout de suite, conséquent, flac, une fois, c'était fini. Tu recommençais, on recommençait tout de suite le lendemain, encore un autre jugement. Et si t'allais trop loin, c'était la mort, c'était lapidé, ouais. C'est, il n'y avait pas question. T'avais trompé ta femme avec un autre, on te lapidait les deux. Il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de 10 ans, 20 ans à la société de supporter tes péchés. Et tu sortais de là, t'en commettais un autre péché. Plus fort, plus gros, plus dur, parce que tu n'avais pas appris vraiment à te différencier selon les Écritures. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas avoir de prison complètement, mais je crois que ce n'est pas la meilleure façon de régler les difficultés. Je crois que ce n'est pas la meilleure façon, personnellement. Et je crois que l'Église, qui a des sages en son intérieur, va dire, voici ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Ça ne veut pas dire que l'Église, maintenant, on n'enverra jamais quelqu'un en prison. Je ne dis pas ça non plus, parce que dans notre système, on ne peut pas les faire mourir, ces gens-là. Donc, peut-être qu'on est mieux de les mettre en prison s'ils sont dangereux pour toute la société. Dans ce temps-là, quand ils étaient dangereux, ben, ils enlevaient. Aujourd'hui, si on les laisse dans les rues, ben, ils vont continuer à faire le mal. Ils vont continuer à tuer les gens. Mais si on les enlève de là, mais on n'est pas là pour parler de ça ce matin, de tout le système judiciaire de notre province, de notre pays. Mais je suis tout en train de vous dire que la sagesse est plutôt dans l'Église, hein, qui peut t'aider à passer au travers, qui peut t'aider à t'en sortir et trouver la solution, parce que tu es un croyant. Parce que si tu n'étais pas un croyant, on a vu quoi faire la semaine de 2 semaines. Quoi qu'on fait? Livré à Satan, tu sors, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu ne veux pas te repentir? Tu ne veux pas demander pardon? Tu ne veux pas confesser le mal? Tu t'en vas. C'est ça le plan de Dieu. Tu peux pas rester avec nous autres. Tu t'en vas. Tu veux vivre comme ça, comme les gens qui adorent Satan, qui vivent selon les principes de Satan, mais il faut t'en aller avec eux autres. Tu ne peux pas rester ici. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. C'est quelqu'un qui reconnaît le mal qu'il fait, qui l'avoue, qui le confesse, et qui prie avec les frères, avec les sœurs, « Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la force de m'en sortir de là. » Qui va aller chercher de l'aide, qui va peut-être avoir un psychologue, un psychiatre, il va aller voir quelqu'un pour se faire aider, pour sortir de son problème. Parce qu'il sait qu'il fait du mal aux autres autour de lui. Il sait que c'est pas correct ce qu'il fait. Il sait qu'il veut protéger le peuple de Dieu, qu'il veut glorifier son Dieu. Donc, il va s'en sortir avec ça. Il a peut-être besoin. Parce que vous savez, j'ai déjà rencontré des gens qu'on allait voir comme cela. Et tout ce qui est le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas toute la parole de Dieu. Donc, on finit leur montrer ce que la Bible disait. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit ce qu'elle est, c'est ça que Dieu veut, c'est ça qu'on va faire. Ils reconnaissaient l'autorité de la parole de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Paul ici encourage, dans versets 4 et 5, si tu as un différend avec ton frère ou ta sœur, va voir des gens sages de l'Église. Va demander à quelques frères et sœurs de servir entre vous deux d'arbitre. Qu'ils vous aident dans votre conflit. Qu'ils vous aident dans votre conflit. Qu'ils vont juger parce qu'ils sont plus neutres, normalement, ils sont plus neutres. Prends pas ta belle-mère, ton beau-père, si tu as une difficulté, ça va être plus difficile. Mais prends des étrangers dans l'Église. Je me souviens toujours quand il y avait un homme dans l'église à Val-d'Or qui voulait me mettre en discipline et j'avais apprécié ce qu'il avait fait parce qu'il avait été chercher des gens qui étaient en dehors de sa famille. Et la moitié de l'église, c'était sa famille ou des gens de la parenté de sa famille. Mais il est allé chercher des gens en dehors, des gens qui n'étaient pas liés de parenté avec lui, qui avaient été influencés par lui. Mais des gens qui étaient plutôt neutres et qui ont venu et qui nous ont aidés à résoudre le problème. Il a dit ce qu'il pensait, j'ai dit ce qu'il pensait. Et les gens qui étaient là ont rendu un jugement entre nous deux. Donc, va voir les gens de l'Église. S'ils manquent de sagesse, les païens vont en manquer encore beaucoup plus de sagesse. Parce que des fois, ça peut arriver que dans notre Église locale, il manque de certaines choses. Si on a des problèmes profonds, des problèmes psychologiques très profonds avec des personnes qui les amènent à faire des choses qui sont peut-être difficiles à juger. On peut aller en dehors et rester dans l'Église du Seigneur. Aller dans d'autres églises où il y a des hommes et des femmes qui ont certaines connaissances ou certaines, éducation ou formation spécialisée dans un domaine pour aider des gens afin qu'on puisse aller chercher de l'aide, mais parmi les croyants. Et ça va certainement. Il y a des notaires croyants, des avocats croyants, des psychiatres croyants, des psychologues chrétiens. Donc, on peut aller chercher ces gens-là, même s'ils ne sont pas dans notre église, mais ils sont des croyants qui peuvent nous aider à régler nos difficultés entre nous. Et ça, c'est très correct comme ça, parce qu'il ne dit pas qu'on est obligé de prendre dans l'église locale, mais parmi les croyants. On va voir un autre maintenant, une autre vérité qui va nous aider. Verset 6 et 7. On va lire ça. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Quelqu'un veut le lire? Non, 6. 6, commence un plus haut. Oui. Ici, il dit, laissez-vous donc dépouiller. Laissez-vous dépouiller s'il le faut. Mais n'allez pas devant les inconvertis. Il dit, vous êtes mieux de vous laisser dépouiller s'il le faut. Mais n'allez pas devant les inconvertis. Il n'est pas en train de dire qu'on ne devrait pas venir devant l'Église, devant les hommes et femmes sages qu'on pourrait choisir. Et ce n'est pas au pasteur de les choisir, je vous garantis, il n'est pas me le demander. C'est à vous autres, si vous avez un différend avec votre frère, de choisir les gens avec lesquels vous voulez, avec qui vous avez confiance, et demander à deux ou trois, quatre, cinq personnes dans l'Église, dire, hey, on a un différend, moi, d'une autre personne, puis on aimerait avoir des frères et sœurs qui vont venir juger entre nous. C'est pas au pasteur à faire ça. C'est pas au conseil de l'Église à faire ça. Ils peuvent le faire. Mais c'est pas eux autres que Dieu a dit, c'est eux autres que vous devez aller voir. C'est à vous de choisir les gens à qui vous avez confiance et de dire, écoute, parce que même qu'ils rendent leur jugement, il ne faut pas vous aller dire maintenant, toi, t'es bon, rien. Si tu leur demandes de venir un jugement, il va falloir que tu acceptes le jugement qu'ils vont faire. Si tu n'as pas confiance en leur jugement, choisis-les pas. Mais si tu as confiance en leur jugement, il va falloir que tu acceptes leur jugement. Sans ça, ça ne donne à rien de le faire. Mais ici, il dit c'est un défaut. D'abord, il dit c'est un défaut. C'est un péché. C'est quelque chose de mal ce que vous faites. D'avoir des jugements les uns contre les autres. En partie, pourquoi? Ben, vous n'auriez dû pas faire du mal à votre frère. Vous n'allez pas faire du mal à votre sœur. Vous ne devrez pas, ça. Normalement, on ne devrait pas se faire du mal les uns les autres, donc il n'y aurait pas de jugement. C'est déjà une faute. Parce que quand vous êtes rendu au point de vouloir vous juger, c'est à quelque part, vous vous êtes fait du mal les uns les autres. Ça ne devrait même pas être rendu là. Mais il dit, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand c'est là? Je crois que l'apôtre Paul il vient de nous dire dans versets 4 et 5 qu'on peut aller devant les frères sages. Donc, il n'est pas en train de nous dire qu'on devrait toujours se laisser dépouiller. On devrait aller devant les frères et les sœurs pour demander de la sagesse. Mais s'il n'y en a pas d'hommes sages dans l'Église, toi, tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur, tu considères qu'il n'y en a pas d'hommes sages, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses dépouiller, tu te laisses faire. Tu ne vas pas devant les convertis. Si tu crois qu'il n'y a pas d'homme sage dans l'Église, et tu n'en connais pas, et tu ne veux pas, tu ne trosses pas les autres, tu n'y vas pas, tout simplement. Tu subis ta perte que tu crois avoir subie. Tu subis une forme d'injustice, c'est correct. Tu l'acceptes, mais tu ne vas pas devant les autres convertis. Paul dit, c'est mieux d'accepter de perdre quelque chose que d'aller devant les inconvertis et de détruire l'Église du Seigneur. De briser le témoignage de l'Église du Seigneur. Subis une perte. Subis une perte. C'est mieux comme ça. Si les frères que tu as demandé, ou l'Église rend un jugement et que toi, tu es convaincu qu'ils ont tort, et tu es certain, toi, tu l'as vu de tes yeux, tu l'as entendu, tu l'as vu que c'est ça qui s'est passé. Mais l'Église dit non. On croit que c'est pas ça qui s'est passé. Accepte-le. Accepte de perdre, accepte une injustice, accepte d'être dépouillé s'il le faut, mais ne va pas avec ça. Mais, OK, si l'Église n'a pas rendu le jugement que je voulais, je m'en vais devant les inconvertis, maintenant je vais leur demander de rendre un jugement pour moi. On ne fait pas ça, la Bible dit. On est mieux d'accepter de subir une perte que d'aller devant les inconvertis. Donc, l'apôtre Paul dit, se laisser dépouiller, ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Surtout quand le problème est financier. On n'aime pas ça. Et l'apôtre Paul, il dit, n'allez pas devant les inconvertis. N'allez pas. Et c'est pas bon de faire ça. Une fois, j'étais dans une église, puis il y avait un frère qui était dans l'église, et ce frère-là a fait des choses épouvantables avec les autres chrétiens. Et financièrement parlant, il a fait croire des affaires. Il a volé les frères et sœurs dans l'église. Carrément volé les frères et sœurs dans l'église. Et c'est les inconvertis qui l'ont découvert. Les chrétiens, on a tendance à se faire confiance un peu plus. On a tendance à penser que le frère ne va pas nous donner un coup de pied dans le derrière, qu'il va nous aider. Puis nous, des fois, on le fait pour l'encourager, ce frère-là, qui est en business. Mettons, James vend des chars, je vais aller acheter un char, puis il vend un foutu citron, puis il savait en plus de ça. C'est juste dans ce sens-là. Là. Je faisais confiance, puis c'est un frère, puis j'étais allé l'encourager, mais c'est un frère. Mais c'est ça qui est arrivé avec ça. C'est pas des chars qu'il vendait. Okay, mais il a vraiment planté les frères et sœurs. Et ça a été toute une histoire dans l'Église. Il y a des frères qui voulaient qu'on traîne ce frère-là en cours devant les inconvertis. Le faire payer. Moi, j'ai dit non, on ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas aller. Mais on l'a emmené en cours devant l'Église, par exemple, je vous garantis. On l'a emmené en cours devant l'Église. Devant le conseil de l'Église, moi-là, on était 4-5. On l'a emmené devant l'Église. Il fallait qu'il agisse devant l'Église et reconnaître ce qui s'était passé devant l'Église. Et réparer les torts qu'il avait fait aux frères et sœurs. Et je vous garantis qu'il n'a pas volé d'autres frères après. Il n'a pas refait après. Mais c'est à nous à régler ça. C'est à nous à régler ça. Et on a encouragé les frères et les sœurs de l'Église qui avaient été abusés, je peux dire ça comme ça, de ne pas aller en cours. Et s'ils vivaient une perte, de l'accepter, c'était bien comme ça. Pour la gloire du Seigneur, par amour pour Dieu, par amour pour le nom du Seigneur. Vous savez, dans les églises, depuis 30 ans que je suis là, j'en ai vu toutes les couleurs. J'en ai entendu toutes les couleurs. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, nommez n'importe quel péché, et je peux vous donner des exemples dans l'église. Ça, c'est pas ça dans l'église. N'importe quel péché. N'importe quel. Oh, ben là, j'ai pas vu quelqu'un tuer quelqu'un. J'ai pas vu ça. Mais j'ai vu de plein de meurtriers dans la cœur, comme Jésus dit, si tu es ton frère, tu es un meurtrier, sera livré en place. Amen, ça aussi. Mais la Bible dit, fais pas cela. Fais pas cela. Fais pas cela. On va voir un autre maintenant au verset. Verset 8 à 11. On va relire le verset 8, si vous voulez bien. Verset 8, un autre principe. Pourquoi on ne veut pas qu'on aille devant les inconvertis? D'abord, qui veut lire verset 8 à 11? Donc, il dit qu'on ne devrait pas se traîner en cours les uns les autres devant les inconvertis, parce que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il dit, les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il dit au verset 8, « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. » Il dit, « Vous devriez vous laisser dépouiller. » Mais il dit, c'est vous autres qui dépouillez les gens. C'est vous autres qui êtes les injustes. Et c'est envers des frères que vous êtes des injustes, que vous faites ça. Et là, il leur dit qu'ils ne devraient pas faire ça parce que, quoi? Que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est fort, hein, comme avertissement. Il dit, si vous êtes des injustes, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Qui sont les injustes dans le texte? Il y en a nommé 10. 10 formes d'injustice. Les débauchés, je vais vous les mettre en avant, ça, si vous voulez bien. Je vais vous mettre là, ça va être facile à voir, peut-être. Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, et les ravisseurs. On peut en mettre pas mal là-dedans. Hein? Il y en a pas mal de sortes d'affaires. Tous les péchés, tout ce qui a rapport à la sexualité, il y a la forme d'idolâtrie, les voleurs, la question d'argent, de malhonnêteté, la cupidité. Okay? Le cupide, c'est quoi? C'est un cupide, c'est quelqu'un qui n'a jamais assez, qui en veut toujours, il vole les autres pour en avoir plus, il est cupide. Les ivrognes, les outrageux et les ravisseurs. Donc, il y en a nommé une dizaine ici. Y a-t-il qui ont d'autres traductions? Qu'est-ce que c'est intéressant? Les infâmes. Au lieu d'un niveau homosexuel, hein, ils ont enlevé le mot homosexuel et ont mis le mot infâme. Dépravé au lieu d'efféminé. Donc, c'est une diminution de la force du texte. Le texte, c'est vraiment le mot homosexuel qui est là et le mot efféminé qui est là vraiment. C'est vraiment un péché de sexualité homosexuelle. C'est autant un côté femme qu'homme. C'est vraiment des gens qui commettent, homme avec homme, femme avec femme, des péchés sexuels. Donc, c'est le mot efféminé, là, c'est des gens qui ont des travestis. Les gens qui se déguisent dans un autre sexe pour avoir des relations avec d'autres personnes du même sexe. Et ça nous donne pas mal, hein, ce que Dieu pense de ça. Tout à l'heure matin, j'ai rentré et j'ai vu la grosse pancarte qui était là. J'ai dit, oh my! Hein? Oh my! On veut dire aux gens ici que c'est correct comme ça. C'est correct. Moi, je ne dis pas qu'on est mieux qu'eux autres en tant que tout le monde pécheur. On est des pécheurs aussi. Nos péchés ne sont pas meilleurs ou moins forts que le leur. Mais eux autres, ils disent quoi? Ce n'est pas péché. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas qu'ils soient comme ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas dire que c'est péché. Ici, Paul dit, vous êtes mieux d'examiner vraiment qu'est-ce que vous faites là. Êtes-vous des injustes? Êtes-vous des gens qui sont comme ça et qui vivaient comme ça et qui n'en avaient point honte? On a vu dans le chapitre 5 qu'ils étaient même orgueilleux de ce qu'ils vivaient. Êtes-vous en train de vous battre pour vos droits d'homosexuels? Avez-vous le droit de vous battre contre les ravisseurs? Avez-vous le droit de vous battre contre les gouvernements qui sont injustes, que vous autres avez le droit de les tricher parce qu'ils sont injustes, vous autres aussi? Êtes-vous en train de vouloir prouver que ce que vous faites est bien quand la Bible dit que c'est mal? Vous êtes des injustes. Et les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être un croyant et en même temps défendre le péché. Justifier le péché par « c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute de la société, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de quelqu'un d'autre, mais c'est pas ma faute. » C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, c'est notre faute. On n'est pas choisi ce qui nous entoure, mais on a choisi comment on va réagir à tout ça. J'ai pas choisi qu'est-ce que c'est mes parents, j'ai pas choisi mon milieu familial, j'ai pas choisi si j'ai été abusé quand j'étais jeune, mais je vais choisir comment je vais réagir à ça. Ça, c'est moi qui choisis. Et Dieu va me demander de rendre compte pour les choix que j'ai faits, moi, et non pas les choix que les autres ont faits. Ils ont fait des mauvais choix. Et moi, je peux répondre par des bons choix ou répondre par des mauvais choix. Et ce que la Bible encourage ici, c'est de répondre à l'injustice par la justice, et non pas par une autre forme d'injustice. Puis là, il leur dit, il parle des justes aussi dedans. Mais il dit, vous autres, vous n'êtes pas des injustes. Le chrétien est un juste. Il dit, vous étiez comme cela. Vous étiez, certains d'entre vous, comme dans ce gang-là. Cette-là. Étiez-vous dans ce gang-là, vous autres, avant? Hein? Étiez-vous dans les 10, là? C'est juste pas sûr, ça n'avait pas l'air d'être sûr. Alors moi, je suis bien sûr que j'étais dans la gang de là. Bien sûr que j'étais là. On était tous là, toute la gang. En tout cas, je vais vous aider, là, si vous n'êtes pas au courant ce matin. On était tous là, toute la gang. Parmi ces gens-là, on était parmi ces... On commettait ces péchés-là. Puis même, on les justifiait. Ah, j'ai réussi. Moi, je te dis que quand je pouvais-tu en bourrer un? Tu sais comment est-ce qu'on m'appelait quand j'étais jeune? Quand j'avais 16-17 ans, mon nom, c'était Signe de pièce. Drôle de nom, hein, pour un jeune de 16 ans. Parce que j'étais un usurier. Je pouvais planter n'importe qui pour 5 piastres. N'importe qui. Même ma mère, je parlais avec. C'était tellement important pour moi de devenir riche dans la vie que j'étais prêt à faire n'importe quoi. Voler, mentir, tricher, mettre des fausses réponses sur mes rapports d'impôts, faire n'importe quoi. Mais je voulais devenir riche. Dans la société, si tu veux devenir riche, tu ne regardes pas sur qui tu mets les pieds. Tu écrases tout le monde autour de toi. Et je suis arrivé à 18 ans, je n'avais pas un chum. Pas un ami. Pas un. Pas de remplir mes poches. Mais pas un chum. Puis j'en étais fier, je vous garantis, j'en étais fier. J'en étais fier de pouvoir dire aux gens autour de moi, moi j'ai un chat payé cash, puis j'ai une maison, puis je suis capable de vivre. Moi-même, je suis jeune, je suis indépendant financièrement. J'étais fier d'avoir accompli ça. C'est ce que vous étiez, dit-il. Moi, j'étais des voleurs et des cupides. Là. Hein? C'est ce que vous étiez. Mais le mot « étiez », ça veut dire quoi? C'est que si ils ont dit « vous étiez », ça veut dire que vous ne l'êtes plus. Il dit « si vous l'êtes encore, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Mais si vous ne l'êtes plus, vous allez hériter du royaume de Dieu. Vous faites partie des justes. » Il dit « pourquoi est-ce que vous êtes plus comme cela? » Il dit « vous avez été lavé. » Vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc, il y a quelque chose qui s'est produit en vous. Il y a quelque chose qui a été changé en vous. Il y a un miracle qui a été fait en vous pour que vous passiez d'injuste à juste. Dieu vous a lavé de vos péchés. Dieu vous a rendu saint. Dieu vous a justifié. Par le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vous êtes devenus d'autres personnes. Il dit, si vous êtes de même, agissez pas comme des injustes, si vous êtes des justes. Donc, il lance aux croyants un choix très, très, très clair. Si tu agis comme ça, tu es un injuste et tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Si tu es injuste, tu n'agiras pas comme ça. Tu ne vas pas traîner ton frère en cour ou tu ne vas pas commettre des injustices dans l'Église et de continuer à le faire, même si l'Église te dira, « Hey, c'est pas correct ce que tu fais là. C'est pas grave. Je continue pareil. C'est de sa faute à lui. » Puis là, on ne veut pas démordre et on reste avec notre péché et on ne veut pas l'admettre. Même si toute l'Église dit blanc, nous, on continue à dire noir. C'est correct ce qu'on dit de dire noir. Et tu ne te laisses pas dépouiller. Parce que s'il y a eu une injustice, ça se peut qu'il y ait une injustice. Mais Paul dit, laisse-toi dépouiller. Tu vas démontrer que tu es un juste. C'est pas toi qui es injuste. Laisse-toi dépouiller. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Parce que l'Église n'est pas parfaite. C'est vrai que l'Église peut rendre des jugements qui sont des fois pas corrects. C'est vrai. Il fallait mieux qu'elle peut. Mais elle n'est pas parfaite. D'un bord ou de l'autre. Elle n'est pas parfaite. Donc, ils acceptent une forme d'injustice si tu penses que, qu'il y a eu une injustice. Accepte-le. Parce que c'est très fort ce qu'il dit ici. Très fort. Et ce n'est pas à moi de juger pour vous. C'est à vous de vous juger vous-même. Parce que la Bible dit que si chacun s'examine soi-même premièrement, on s'examine soi-même. Est-ce que moi, je suis un injuste ou si je suis un juste? C'est facile de le dire. Maintenant, il faut le vivre. C'est pas quand on le vit qu'on se fortifie de notre foi. C'est quand on voit notre repentance, quand on voit notre peine, notre tristesse, comme Paul dit dans le chapitre 5. Vous devriez être triste du péché que vous faites et non pas vous en vanter et le mettre en faveur dans l'Église et dire aux Églises, ah, moi je fais ça. Non, il faut que tu sois triste de ton péché. Le confesse et l'avoue et réparer le mal que tu as fait si tu en as fait. Ça, c'est le croyant. C'est le juste. Que le Seigneur puisse nous aider, frères et sœurs, à se laisser dépouiller des fois, si nécessaire. Mais si on peut, de demander à des frères, des sœurs, à l'Église, de se rencontrer et de juger entre deux personnes, je vous encourage à le faire. Faites-le. Faites-le un tout seul avant. Faites-le avec deux ou trois. C'est ça, si ça ne marche pas, demandez-les. Parce que là, s'ils écoutent les deux ou trois, ça va vraiment s'arrêter là. Parce que le gars qui m'avait emmené, moi, les deux ou trois ont pris un jugement contre le frère qui avait emmené les deux qui étaient moins contre moi. Les deux frères ont dit, tu n'as pas raison. On pense que c'est François qui a raison. Et ça a arrêté là. Le frère a dit, c'est correct, c'est beau, merci. Et j'ai dit, je vais mal compris probablement. Et ça a arrêté là. On a prié ensemble, c'était fini, on n'a jamais parlé. Il a accepté le jugement des deux autres frères. Fait que là, on était à toi, puis lui était tout seul. Et donc maintenant, c'est pas tout le monde qui a tort, juste toi qui a raison. Peut-être, c'est ça, ça arrive, des fois ça arrive. Là, ce que Dieu, ce que la parole dit de faire, laisse-toi dépouiller un petit peu. Laisse-toi dépouiller s'il le faut. Laisse ça tranquille. On ne va pas le dire à toute la famille, à toute la parenté, à toute la ville. Garde ça pour toi, c'est fini. On laisse ça mort. Laisse ça mort. Que le Seigneur puisse nous aider dans ces moments-là de ma vie, de votre vie. C'est ce que moi, je me trouve des fois, tout ça intéressant parce qu'on se retrouve dans des situations et là qu'on peut évaluer qui on est. Parce que c'est dans l'évaluation là, qu'on va voir, je suis un juste ou un injuste? Quelle est ma décision? C'est comme ça qu'on va voir qui on est. Si on fait l'action d'un juste, bien, ça fortifie notre foi qu'on est des justes. Mais si on prend une action d'injuste, peut-être il faut se poser la question, est-ce que je suis un injuste? Si je suis un injuste, je n'ai pas de place dans le royaume de Dieu. Et je n'ai pas de place non plus dans l'Église. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions de cette belle enseignement ce matin. Ta parole est toujours claire. Elle n'est pas ambiguë. Et tu nous enseignes ce matin quelque chose, Seigneur, que bien souvent, on aimerait mieux pas faire, parce que dans notre nature humaine, on aime plutôt que nos droits soient respectés. On aime mieux des fois se venger. Mais Seigneur, aide-nous à agir comme des gens qui ont été lavés, qui ont été sanctifiés, qui ont été justifiés. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous donner la force, le courage de ne pas ternir la réputation d'Église pour quelques dollars ou quelque autre chose, qu'on puisse assez accepter d'être dépouillé quelquefois. Et Seigneur, nous te donnerons l'honneur, nous te donnerons la louange, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Levons-nous, on va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien. Attendez un petit peu. Je me cherche. Bonne semaine à chacun d'entre vous.